Section 5 de Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 1, suite. Saint-Malo n'est qu'un rocher. S'élevant autrefois au milieu d'un marais salant, il devint une île par l'irruption de la mer qui, en 709, creusa le golfe et mit le mont Saint-Michel au milieu des flots. Aujourd'hui, le rocher de Saint-Malo ne tient à la terre ferme que par une chaussée appelée poétiquement le Sillon. Le Sillon est assailli d'un côté par la pleine mer, de l'autre est lavé par le flux qui tourne pour entrer dans le port. Une tempête le détruisit presque entièrement en 1730. Pendant les heures de reflux, le port reste à sec, et à la bordure est et nord de la mer se découvre une grève du plus beau sable. On peut faire alors le tour de mon nid paternel. Auprès et au loin sont semés des rochers, des forts, des îlots inhabités. Le fort royal, la Conchée, ses ambres et le grand B, où sera mon tombeau. J'avais bien choisi sans le savoir. B en breton signifie tombe. Au bout du sillon, planté d'un calvaire, on trouve une butte de sable au bord de la grande mer. Cette butte s'appelle la Hoguette. Elle est surmontée d'un vieux gibet. Les piliers nous servaient à jouer aux quatre coins. Nous les disputions aux oiseaux de rivage. Ce n'était pourtant pas sans une sorte de terreur que nous nous arrêtions dans ce lieu. Là se rencontrent aussi les miels, dunes où pâturaient les moutons. À droite sont des prairies, au bas du Paramé, le chemin de poste de Saint-Servant, le cimetière neuf, un calvaire et des moulins sur des buttes, comme ceux qui s'élèvent sur le tombeau d'Achille à l'entrée de l'Hélépon. Je touchais à ma septième année. Ma mère me conduisit à Planquette afin d'être relevé du vœu de ma nourrice. Nous descendîmes chez ma grand-mère. Si j'ai vu le bonheur, c'était certainement dans cette maison. Ma grand-mère occupait dans la rue du hameau de l'abbaye une maison dont les jardins descendaient en terrasse sur un vallon, au fond duquel on trouvait une fontaine entourée de saules. Madame de Bédée ne marchait plus, mais à cela près, elle n'avait aucun des inconvénients de son âge. C'était une agréable vieille, grasse, blanche, propre, l'air grand, les manières belles et nobles, portant des robes à plis à l'antique et une coiffe noire de dentelle nouée sous le menton. Elle avait l'esprit orné, la conversation grave, l'humeur sérieuse. Elle était soignée par sa sœur, Mademoiselle de Boisteilleul, qui ne lui ressemblait que par la bonté. Celle-ci était une petite personne maigre, enjouée, causeuse, railleuse. Elle avait aimé un comte de très mignon, lequel comte, ayant dû l'épouser, avait ensuite violé sa promesse. Ma tante s'était consolée en célébrant ses amours, car elle était poète. Je me souviens de l'avoir souvent entendue chantonner en asillant, lunettes sur le nez, tandis qu'elle brodait pour sa sœur des manchettes à deux rangs, un apologue qui commençait ainsi. Un épervier aimait une fauvette, et ce dit-on, il en était aimé. Ce qui m'a paru toujours singulier pour un épervier. La chanson finissait par ce refrain. Ah, très mignon! La fable est-elle obscure? Turlure! Que de choses dans ce monde finissent comme les amours de ma tante, turlure. Ma grand-mère se reposait sur sa sœur des soins de la maison. Elle dînait à 11 heures du matin, faisait la sieste. À 1 heure, elle se réveillait. On la portait au bas des terrasses du jardin, sous les saules de la fontaine, où elle tricotait, entourée de sa sœur, de ses enfants et petits-enfants. En ce temps-là, la vieillesse était une dignité. Aujourd'hui, elle est une charge. À 4 heures, on reportait ma grand-mère dans son salon. Pierre, le domestique, mettait une table de jeu. Mademoiselle de Boisteilleul frappait avec les pincettes contre la plaque de la cheminée. Et quelques instants après, on voyait entrer 3 autres vieilles filles qui sortaient de la maison voisine à l'appel de ma tante. Ces 3 sœurs se nommaient les demoiselles Vildeneux. Filles d'un pauvre gentilhomme, au lieu de partager son mince héritage, elles en avaient joui en commun, ne s'étaient jamais quittées, n'étaient jamais sorties de leur village paternel. Liées depuis leur enfance avec ma grand-mère, elles logeaient à sa porte et venaient tous les jours, au signal convenu dans la cheminée, faire la partie de quadrille de leur ami. Le jeu commençait. Les bonnes dames se querellaient. C'était le seul événement de leur vie, le seul moment où l'égalité de leur humeur fut altérée. À 8 heures, le souper ramenait la sérénité. Souvent, mon oncle de Bédée, avec son fils et ses 3 filles, assistait au souper de l'aïeul. Celle-ci faisait mille récits du vieux temps. Mon oncle, à son tour, racontait la bataille de Fontenoy, où il s'était trouvé, et couronnait ses vanteries par des histoires un peu franches qui faisaient pâmer de rire les honnêtes demoiselles. À 9 heures, le souper fini, les domestiques entraient. On se mettait à genoux, et mademoiselle de Boisteilleul disait à haute voix la prière. À 10 heures, tout dormait dans la maison, excepté ma grand-mère, qui se faisait faire la lecture par sa femme de chambre jusqu'à 1 heure du matin. Cette société, que j'ai remarquée la première dans ma vie, est aussi la première qui est disparue à mes yeux. J'ai vu la mort entrer sous ce toit de paix et de bénédiction, le rendre peu à peu solitaire, fermer une chambre et puis une autre qui ne se rouvrait plus. J'ai vu ma grand-mère forcée de renoncer à son quadrille, faute des partenaires accoutumés. J'ai vu diminuer le nombre de ses constantes amies, jusqu'au jour où mon aïeule tomba la dernière. Elle et sa sœur s'étaient promis de s'entrappeler aussitôt que l'une aurait devancé l'autre. Elles se tinrent parole, et madame de Bédée ne survécut que peu de mois à mademoiselle de Boisteilleul. Je suis peut-être le seul homme au monde qui sache que ces personnes ont existé. 20 fois, depuis cette époque, j'ai fait la même observation. 20 fois, des sociétés se sont formées et dissoutes autour de moi. Cette impossibilité de durée et de longueur dans les liaisons humaines, cet oubli profond qui nous suit, cet invincible silence qui s'empare de notre tombe et s'étend de là sur notre maison, me ramène sans cesse à la nécessité de l'isolement. Toute main est bonne pour nous donner le verre d'eau dont nous pouvons avoir besoin dans la fièvre de la mort. Ah, qu'elle ne nous soit pas trop chère, car comment abandonner sans désespoir la main que l'on a couverte de baisers et que l'on voudrait tenir éternellement sur son cœur. Le château du comte de Bédée était situé à 1 lieue de Planquette, dans une position élevée et riante. Tout y respirait la joie. L'hilarité de mon oncle était inépuisable. Il avait 3 filles, Caroline, Marie et Flore, et un fils, le comte de la Boitardais, conseiller au Parlement, qui partageait son épanouissement de cœur. Mon choix était rempli des cousins du voisinage. On faisait de la musique, on dansait, on chassait, on était en liesse du matin au soir. Ma tante, madame de Bédée, qui voyait mon oncle manger gaiement son fonds et son revenu, se fâchait assez justement. Mais on ne l'écoutait pas, et sa mauvaise humeur augmentait la bonne humeur de sa famille, d'autant que ma tante était elle-même sujette à bien des manies. Elle avait toujours un grand chien de chasse, hargneux, couché dans son giron, et à sa suite, un sanglier privé qui remplissait le château de ses grognements. Quand j'arrivais de la maison paternelle, si sombre et si silencieuse, à cette maison de fêtes et de bruits, je me trouvais dans un véritable paradis. Ce contraste devint plus frappant lorsque ma famille fut fixée à la campagne. Passer de Combourg à Montchoix, c'était passer du désert dans le monde, du donjon d'un baron du Moyen-Âge à la villa d'un prince romain. Le jour de l'ascension de l'année 1775, je partis de chez ma grand-mère avec ma mère, ma tante de Boisteilleul, mon oncle de Bédée et ses enfants, ma nourrice et mon frère de lait, pour Notre-Dame de Nazareth. J'avais une levite blanche, des souliers, des gants, un chapeau blanc et une ceinture de soie bleue. Nous montâmes à l'abbaye à 10 heures du matin. Le couvent, placé au bord du chemin, s'en vieillissait d'un quinconce d'orme du temps de Jean V de Bretagne. Du quinconce, on entrait dans le cimetière. Le chrétien ne parvenait à l'église qu'à travers la région des sépulcres. C'est par la mort qu'on arrive à la présence de Dieu. Déjà les religieux occupaient les stalles. L'autel était illuminé d'une multitude de cierges. Des lampes descendaient des différentes voûtes. Il y a dans les édifices gothiques des lointains et comme des horizons successifs. Les massiers vinrent me prendre à la porte en cérémonie et me conduisirent dans le chœur. On y avait préparé 3 sièges. Je me plaçai dans celui du milieu. Ma nourrice se mit à ma gauche, mon frère de lait à ma droite. La messe commença. À l'offertoire, le célébrant se tourna vers moi et lut des prières. Après quoi on m'ôta mes habits blancs, qui furent attachés en ex-voto au-dessous d'une image de la Vierge. On me revêtit d'un habit couleur violette. Le prieur prononça un discours sur l'efficacité des vœux. Il rappela l'histoire du baron de Chateaubriand, passé dans l'Orient avec Saint-Louis. Il me dit que je visiterai peut-être aussi dans la Palestine cette Vierge de Nazareth à qui je devais la vie par l'intercession des prières du pauvre, toujours puissante auprès de Dieu. Ce moine qui me racontait l'histoire de ma famille, comme le grand-père de Dante lui faisait l'histoire de ses aïeux, aurait pu aussi, comme Katsiagida, y joindre la prédiction de mon exil. Tu proverai si come sadisale, l'opane altrui, et comme eduro calier, los candere et il salir, per l'altrui scale, et quelque piu tigravera l'espalier, sarà la compagnia malvagia et sempia, con la qual tu quadria in questa vale, che tutta ingrata, tutta mata et impia, si farà contra te. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova, sicca te fia bellio averti fatta parte per te stesso. Tu sauras combien le pain d'autrui a le goût du sel, combien est dur le degré du monter et du descendre de l'escalier d'autrui, et ce qui pèsera encore davantage sur tes épaules sera la compagnie mauvaise et insensée avec laquelle tu tomberas, et qui, toute ingrate, toute folle, toute impie, se tournera contre toi. De sa stupidité, sa conduite fera preuve, tant qu'à toi il sera beau de t'être fait un parti de toi-même. Depuis l'exhortation du bénédictin, j'ai toujours rêvé le pèlerinage de Jérusalem, et j'ai fini par l'accomplir. J'ai été consacré à la religion. La dépouille de mon innocence a reposé sur ces autels. Ce ne sont pas mes vêtements qu'il faudrait suspendre aujourd'hui à ces temples, ce sont mes misères. On me ramena à Saint-Malo. Saint-Malo n'est point l'alette de la Notia in Perii. Alette était mieux placée par les Romains dans le faubourg Saint-Servant, au port militaire appelé Solidor, à l'embouchure de la Rance. En face d'Alette était un rocher, Est in conspectu tenedos, non le refuge des perfides grecs, mais la retraite de l'ermite Aaron, qui l'an 507 établit dans cette île sa demeure. C'est la date de la victoire de Clovis sur Alaric. L'un fonda un petit couvent, l'autre une grande monarchie. Édifice également tombé. Malo, en latin, Macloius, Macutus, Macutes, devenu en 541 évêque d'Alette, attiré qu'il fut par la renommée d'Aaron, le visita. Chapelain de l'oratoire de cet ermite, après la mort du saint, il éleva une église cénobiale et une praedio Macutis. Ce nom de Malo se communiqua à l'île et ensuite à la ville Macloium, Maclopolis. De Saint-Malo, premier évêque d'Alette, au bienheureux Jean surnommé de la Grille, sacré en 1140, et qui fit élever la cathédrale, on compte 45 évêques. Alette étant déjà presque entièrement abandonnée, Jean de la Grille transféra le siège épiscopal de la ville romaine dans la ville bretonne qui croissait sur le rocher d'Aaron. Saint-Malo eut beaucoup à souffrir dans les guerres qui survinrent entre les rois de France et d'Angleterre. Le comte de Richemont depuis Henri VII d'Angleterre, en qui se terminèrent les démêlés de la rose blanche et de la rose rouge, fut conduit à Saint-Malo. Livré par le duc de Bretagne aux ambassadeurs de Richard, ceux-ci l'emmenaient à Londres pour le faire mourir. Échappé à ses gardes, il se réfugia dans la cathédrale Asylum quot in ed urbe est inviolatissimum. Ce droit d'asile remontait au druide, premier prêtre de l'île d'Aaron. Un évêque de Saint-Malo fut l'un des trois favoris. Les deux autres étaient Arthur de Montauban et Jean Hingant, qui perdirent l'infortuné Gilles de Bretagne. C'est ce que l'on voit dans l'histoire lamentable de Gilles, seigneur de Châteaubriant et de Chantaussée, prince du sang de France et de Bretagne, étranglé en prison par les ministres du favori le 24 avril 1450. Il y a une belle capitulation entre Henri IV et Saint-Malo. La ville traite de puissance à puissance, protège ceux qui se sont réfugiés dans ses murs et demeure libre par une ordonnance de Philibert de la Guiche, grand maître de l'artillerie de France, de faire fondre 100 pièces de canon. Rien ne ressemblait davantage à Venise, au soleil et aux arts près, que cette petite république malouine par sa religion, sa richesse et sa chevalerie de mer. Elle appuya l'expédition de Charles Quint en Afrique et secourut Louis XIII devant La Rochelle. Elle promenait son pavillon sur tous les flots, entretenait des relations avec Mocha, Surat, Pondichéry, et une compagnie formée dans son sein explorait la mer du Sud. À compter du règne de Henri IV, ma ville natale se distingua par son dévouement et sa fidélité à la France. Les Anglais la bombardèrent en 1693. Ils y lancèrent, le 29 novembre de cette année, une machine infernale, dans les débris de laquelle j'ai souvent joué avec mes camarades. Ils la bombardèrent de nouveau en 1758. Les Malouins prêtèrent des sommes considérables à Louis XIV pendant la guerre de 1701. En reconnaissance de ce service, il leur confirma le privilège de se garder eux-mêmes. Il voulut que l'équipage du premier vaisseau de la marine royale fût exclusivement composé de matelots de Saint-Malo et de son territoire. En 1771, les Malouins renouvelèrent leur sacrifice et prêtèrent 30 millions à Louis XV. Le fameux amiral Hanson descendit à Cancale en 1758 et brûla Saint-Servan. Dans le château de Saint-Malo, la Chalotais écrivit sur du linge, avec un cure-dent, de l'eau et de la suie, les mémoires qui firent tant de bruit et dont personne ne se souvient. Les événements effacent les événements. Inscriptions gravées sur d'autres inscriptions, ils font des pages de l'histoire des palimpsestes. Saint-Malo fournissait les meilleurs matelots de notre marine. On peut en voir le rôle général dans le volume in folio, publié en 1682 sous ce titre, Rôle général des officiers, mariniers et matelots de Saint-Malo. Il y a une coutume de Saint-Malo, imprimée dans le recueil du coutumier général. Les archives de la ville sont assez riches en chartes utiles à l'histoire et au droit maritime. Saint-Malo est la patrie de Jacques Cartier, le Christophe Colomb de la France, qui découvrit le Canada. Les Malouins ont encore signalé à l'autre extrémité de l'Amérique les îles qui portent leur nom, îles Malouines. Saint-Malo est la ville natale de Du Guesclin, l'un des plus grands hommes de mer qui est paru, et de nos jours elle a donné à la France Surcouf. Le célèbre Mahé de la Bourdonnais, gouverneur de l'île de France, naquit à Saint-Malo, de même que la Métrie, Maupertuis, l'abbé Trublet, dont Voltaire a ri. Tout cela n'est pas trop mal pour une enceinte qui n'égale pas celle du jardin des Tuileries. L'abbé de Lamennais a laissé loin derrière lui ses petites illustrations littéraires de ma patrie. Brousset est également né à Saint-Malo, ainsi que mon noble ami le comte de la Ferronnays. Enfin, pour ne rien omettre, je rappellerai les dogues qui formaient la garnison de Saint-Malo. Ils descendaient de ces chiens fameux, enfants de régiments dans les Gaules, et qui, selon Strabon, livraient avec leur maître des batailles rangées aux Romains. Albert le Grand, religieux de l'ordre de Saint-Dominique, auteur aussi grave que le géographe grec, déclare qu'à Saint-Malo, la garde d'une place si importante était commise toutes les nuits à la fidélité de certains dogues qui faisaient bonne et sûre patrouille. Ils furent condamnés à la peine capitale pour avoir eu le malheur de manger inconsidérément les jambes d'un gentilhomme, ce qui a donné lieu de nos jours à la chanson « Bon voyage ». On se moque de tout. On emprisonna les criminels. L'un d'eux refusa de prendre la nourriture des mains de son gardien qui pleurait. Le noble animal se laissa mourir de faim. Les chiens, comme les hommes, sont punis de leur fidélité. Au surplus, le Capitole était, de même que Madelos, gardé par des chiens, lesquels n'aboyaient pas lorsque Scipion l'Africain venait à l'aube faire sa prière. Enclos de murs de diverses époques qui se divisent en grands et petits, et sur lesquels on se promène, Saint-Malo est encore défendu par le château dont j'ai parlé et qu'augmenta de tours, de bastions et de fossés la duchesse Anne. Vue du dehors, la cité insulaire ressemble à une citadelle de granit. C'est sur la grève de la pleine mer, entre le château et le fort royal, que se rassemblent les enfants. C'est là que j'ai été élevé, compagnon des flots et des vents. Un des premiers plaisirs que j'ai goûté était de lutter contre les orages, de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi ou couraient après moi sur la rive. Un autre divertissement était de construire, avec la reine de la plage, des monuments que mes camarades appelaient des fours. Depuis cette époque, j'ai souvent vu bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite écroulés que mes palais de sable. Mon sort étant irrévocablement fixé, on me livra à une enfance oisive. Quelques notions de dessin, de langue anglaise, d'hydrographie, et de mathématiques parurent plus que suffisantes à l'éducation d'un garçonnet destiné d'avance à la rude vie d'un marin. Je croissais sans études dans ma famille. Nous n'habitions plus la maison où j'étais né. Ma mère occupait un hôtel, place Saint-Vincent, presque en face de la porte qui communique au sillon. Les polissons de la ville étaient devenus mes plus chers amis. J'en remplissais la cour et les escaliers de la maison. Je leur ressemblais en tout. Je parlais leur langage. J'avais leur façon et leur allure. J'étais vêtu comme eux, déboutonné, débraillé comme eux. Mes chemises tombaient en loques. Je n'avais jamais une paire de bas qui ne fût largement trouée. Je traînais de méchants souliers éculés qui sortaient à chaque pas de mes pieds. Je perdais souvent mon chapeau et quelquefois mon habit. J'avais le visage barbouillé, égratigné, meurtri, les mains noires. Ma figure était si étrange que ma mère, au milieu de sa colère, ne se pouvait empêcher de rire et de s'écrier « qu'il est laid ». J'aimais pourtant, et j'ai toujours aimé la propreté, même l'élégance. La nuit, j'essayais de raccommoder mes lambeaux. La bonne Villeneuve et ma Lucille m'aidaient à réparer ma toilette afin de m'épargner des pénitences et des gronderies. Mais leur rapiestage ne servait qu'à rendre mon accoutrement plus bizarre. J'étais surtout désolée quand je paraissais déguenillée au milieu des enfants, fiers de leurs habits neufs et de leur braverie. Mes compatriotes avaient quelque chose d'étranger qui rappelait l'Espagne. Des familles malouines étaient établies à Cadix. Les familles de Cadix résidaient à Saint-Malo. La position insulaire, la chaussée, l'architecture, les maisons, les citernes, les murailles de granit de Saint-Malo lui donnent un air de ressemblance avec Cadix. Quand j'ai vu la dernière ville, je me suis souvenu de la première. Enfermés le soir, sous la même clé, dans leur cité, les Malouins ne composaient qu'une famille. Les mœurs étaient si candides que de jeunes femmes qui faisaient venir des rubans et des gazes de Paris passaient pour des mondaines dont leurs compagnes effarouchées se séparaient. Une faiblesse était une chose inouïe. Une comtesse d'Abbeville ayant été soupçonnée, il en résulta une complainte que l'on chantait en se signant. Cependant, le poète, fidèle malgré lui aux traditions des troubadours, prenait parti contre le mari qu'il appelait un monstre barbare. Certains jours de l'année, les habitants de la ville et de la campagne se rencontraient à des foires, appelées assemblées, qui se tenaient dans les îles et sur des forts autour de Saint-Malo. Ils s'y rendaient à pied quand la mer était basse, en bateau lorsqu'elle était haute. La multitude de matelots et de paysans, les charrettes entoilées, les caravanes de chevaux, d'ânes et de mulets, le concours des marchands, les tentes plantées sur le rivage, les processions de moines et de confréries qui serpentaient avec leurs bannières et leurs croix au milieu de la foule, les chaloupes allant et venant à la rame ou à la voile, les vaisseaux entrant au port ou mouillant en rade, les salves d'artillerie, le branle des cloches, tout contribuait à répandre dans ces réunions le bruit, le mouvement et la variété. J'étais le seul témoin de ces fêtes qui n'en partagea pas la joie. J'y paraissais sans argent pour acheter des jouets et des gâteaux. Évitant le mépris qui s'attache à la mauvaise fortune, je m'asseyais loin de la foule, auprès de ces flaques d'eau que la mer entretient et renouvelle dans les concavités des rochers. Là, je m'amusais à voir voler les pingouins et les mouettes, à baie, au lointain bleuâtre, à ramasser des coquillages, à écouter le refrain des vagues parmi les écueils. Le soir, au logis, je n'étais guère plus heureux. J'avais une répugnance pour certains mets. On me forçait d'en manger. J'implorais des yeux la France qui m'enlevait adroitement mon assiette quand mon père tournait la tête. Pour le feu, même rigueur, il ne m'était pas permis d'approcher de la cheminée. Il y a loin de ses parents sévères aux gâtes enfants d'aujourd'hui. Mais si j'avais des peines qui sont inconnues de l'enfance nouvelle, j'avais aussi quelques plaisirs qu'elle ignore. On ne sait plus ce que c'est que ces solennités de religion et de famille, où la patrie entière et le dieu de cette patrie avaient l'air de se réjouir. Noël, le premier de l'an, les rois, Pâques, la Pentecôte, la Saint-Jean, étaient pour moi des jours de prospérité. Peut-être l'influence de mon rocher natal a-t-elle agi sur mes sentiments et sur mes études. Dès l'année 1015, les Malouins firent vœu d'aller aider à bâtir de leurs mains et de leurs moyens les clochers de la cathédrale de Chartres. N'ai-je pas aussi travaillé de mes mains à relever la flèche abattue de la vieille basilique chrétienne? Le soleil, dit le père Monnoir, n'a jamais éclairé canton où est parue une plus constante et invariable fidélité dans la vraie foi que la Bretagne. Il y a 13 siècles qu'aucune infidélité n'a souillé la langue qui a servi d'organe pour prêcher Jésus-Christ, et il est un être qui ait vu breton bretonnant prêcher autre religion que la catholique. Durant les jours de fête que je viens de rappeler, j'étais conduit en station avec mes sœurs aux divers sanctuaires de la ville, à la chapelle de Saint-Aaron, au couvent de la Victoire. Mon oreille était frappée de la douce voix de quelques femmes invisibles. L'harmonie de leur cantique se mêlait au mugissement des flots. Lorsque, dans l'hiver, à l'heure du salut, la cathédrale se remplissait de la foule que de vieux matelots à genoux, de jeunes femmes et des enfants lisaient avec de petites bougies dans leurs heures, que la multitude, au moment de la bénédiction, répétait en chœur le Tantum Ergo, que, dans l'intervalle de ces chants, les rafales de Noël frôlaient les vitraux de la basilique, ébranlaient les voûtes de cette nef que fit résonner la mâle poitrine de Jacques Cartier et de Duguay Trouin, j'éprouvais un sentiment extraordinaire de religion. Je n'avais pas besoin que la Villeneuve me dît de joindre les mains pour invoquer Dieu par tous les noms que ma mère m'avait appris. Je voyais les cieux ouverts, les anges offrant notre encens et nos vœux. Je courbais mon front. Il n'était point encore chargé de ces ennuis qui pèsent si horriblement sur nous qu'on est tenté de ne plus relever la tête lorsqu'on l'a inclinée au pied des autels. Tel marin, au sortir de ses pompes, s'embarquait tout fortifié contre la nuit, tandis que tel autre rentrait au port en se dirigeant sur le dôme éclairé de l'église. Ainsi la religion et les périls étaient continuellement en présence, et leurs images se présentaient inséparables à ma pensée. À peine étais-je né que j'ouïs parler de mourir. Le soir, un homme allait avec une sonnette de rue en rue, avertissant les chrétiens de prier pour un de leurs frères décédés. Presque tous les ans, des vaisseaux se perdaient sous mes yeux. Et lorsque je m'ébattais, le long des grèves, la mer roulait à mes pieds les cadavres d'hommes étrangers expirés loin de leur patrie. Madame de Chateaubriand me disait, comme sainte Monique disait à son fils, « Nihil lange est adeo, rien n'est loin de Dieu. » On avait confié mon éducation à la Providence, elle ne m'épargnait pas les leçons. Voué à la Vierge, je connaissais et j'aimais ma protectrice, que je confondais avec mon ange gardien. Son image, qui avait coûté un demi-sou à la bonne Villeneuve, était attachée avec quatre épingles à la tête de mon lit. J'aurais dû vivre dans ces temps où l'on disait à Marie, « Douce dame du ciel et de la terre, mère de pitié, fontaine de tout bien, qui portaste Jésus-Christ en vos précieux flancs, belle, très douce dame, je vous remercie et vous prie. » La première chose que j'ai su par cœur est un cantique de matelot commençant ainsi. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours, servez-moi de défense, prenez soin de mes jours, et quand ma dernière heure viendra finir mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. J'ai entendu depuis chanter ce cantique dans un naufrage. Je répète encore aujourd'hui ces méchantes rimes avec autant de plaisir que des vers d'Homère. Une madone, coiffée d'une couronne gothique, vêtue d'une robe de soie bleue, garnie d'une frange d'argent, m'inspire plus de dévotion qu'une vierge de Raphaël. Du moins, si cette pacifique étoile des mers avait pu calmer les troubles de ma vie. Mais je devais être agité même dans mon enfance. Comme le dattier de l'Arabe, à peine ma tige était sortie du rocher qu'elle fut battue du vent. J'ai dit que ma révolte prématurée contre les maîtresses de Lucile commença ma mauvaise renommée. Un camarade l'acheva. Mon oncle, M. de Chateaubriand du Plessis, établi à Saint-Malo comme son frère, avait comme lui quatre filles et deux garçons. De mes deux cousins, Pierre et Armand, qui formaient d'abord ma société, Pierre devint page de la reine. Armand fut envoyé au collège comme étant destiné à l'état ecclésiastique. Pierre, au sortir des pages, entra dans la marine et se noya à la côte d'Afrique. Armand, depuis longtemps enfermé au collège, quitta la France en 1790, servit pendant toute l'émigration, fit intrépidement dans une chaloupe 20 voyages à la côte de Bretagne, et vint enfin mourir pour le roi à la plaine de Grenelle, le vendredi saint de l'année 1809, ainsi que je l'ai déjà dit, et que je le répéterai encore en racontant sa catastrophe. Privé de la société de mes deux cousins, je la remplaçai par une liaison nouvelle. Au second étage de l'hôtel que nous habitions demeurait un gentilhomme nommé Géril. Il avait un fils et deux filles. Ce fils était élevé autrement que moi. Enfant gâté, ce qu'il faisait était trouvé charmant. Il ne se plaisait qu'à se battre et surtout qu'à exciter des querelles dont il s'établissait le juge. Jouant des tours perfides aux bonnes qui menaient promener les enfants, il n'était bruit que de ces espiègleries que l'on transformait en crimes noirs. Le père riait de tout et Joson n'était que plus chéri. Géril devint mon intime ami et prit sur moi un ascendant incroyable. Je profitais sous un tel maître quoique mon caractère fût entièrement l'opposé du sien. J'aimais les jeux solitaires, je ne cherchais querelle à personne. Géril était fou de plaisir, de cohue, et jubilait au milieu des bagarres d'enfants. Quand quelque polisson me parlait, Géril me disait « Tu le souffres ?» À ce mot, je croyais mon honneur compromis et je sautais aux yeux du téméraire. La taille et l'âge n'y faisaient rien. Spectateur du combat, mon ami applaudissait à mon courage, mais ne faisait rien pour me servir. Quelquefois, il levait une armée de tous les sautereaux qu'il rencontrait, divisait ses conscrits en deux bandes et nous escarmouchions sur la plage à coups de pierre. Un autre jeu inventé par Géril paraissait encore plus dangereux. Lorsque la mer était haute et qu'il y avait tempête, la vague, fouettée au pied du château, du côté de la grande grève, jaillissait jusqu'aux grandes tours. À 20 pieds d'élévation au-dessus de la base d'une de ces tours régnait un parapet en granit, étroit, glissant, incliné, par lequel on communiquait au ravelin qui défendait le fossé. Il s'agissait de saisir l'instant entre deux vagues, de franchir l'endroit périlleux avant que le flot se brisât et couvrît la tour. Voici venir une montagne d'eau qui s'avançait en mugissant, laquelle, si vous tardiez d'une minute, pouvait ou vous entraîner ou vous écraser contre le mur. Pas un de nous ne se refusait à l'aventure, mais j'ai vu des enfants pâlir avant de la tenter. Ce penchant à pousser les autres à des rencontres dont ils restaient spectateurs induirait à penser que Géril ne montra pas dans la suite un caractère fort généreux. C'est lui néanmoins qui, sur un plus petit théâtre, a peut-être effacé l'héroïsme de Régulus. Il n'a manqué à sa gloire que Rome et Tite-Live. Devenu officier de marine, il fut pris à l'affaire de Quiberon. L'action finit et les Anglais continuant de canonner l'armée républicaine, Géril se jette à la nage, s'approche des vaisseaux, dit aux Anglais de cesser le feu, leur annonce le malheur et la capitulation des émigrés. On le voulut sauver en lui filant une corde et le conjurant de monter à bord. « Je suis prisonnier sur parole, » s'écrie-t-il. Du milieu des flots, il retourne à terre à la nage. Il fut fusillé avec Sombreuil et ses compagnons. Géril a été mon premier ami. Tous deux mal jugés dans notre enfance, nous nous liâmes par l'instinct de ce que nous pouvions valoir un jour. Deux aventures mirent fin à cette première partie de mon histoire et produisirent un changement notable dans le système de mon éducation. Nous étions un dimanche sur la grève, à l'éventail de la porte Saint-Thomas et le long du sillon. De gros pieux enfoncés dans le sable protègent les murs contre la houle. Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour voir passer au-dessous de nous les premières ondulations du flux. Les places étaient prises comme de coutume, plusieurs petites filles se mêlaient aux petits garçons. J'étais le plus en pointe vers la mer, n'ayant devant moi qu'une jolie mignonne, Hervine Magon, qui riait de plaisir et pleurait de pleurs. Géril se trouvait à l'autre bout, du côté de la terre. Le flot arrivait, il faisait du vent. Déjà les bonnes et les domestiques criaient « Descendez, mademoiselle, descendez, monsieur !» Géril attend une grosse lame. Lorsqu'elle s'engouffre, entre les pilotis, il pousse l'enfant assis auprès de lui. Celui-là se renverse sur un autre, celui-ci sur un autre. Toute la file s'abat comme des moines de cartes, mais chacun est retenu par son voisin. Il n'y eut que la petite fille de l'extrémité de la ligne, sur laquelle je chavirais et qui, n'étant appuyée par personne, tomba. Le jusant l'entraîne. Aussitôt mille cris, toutes les bonnes retroussant leurs robes et tripotant dans la mer, chacune saisissant son marmot et lui donnant une tape. Hervine fut repêchée, mais elle déclara que François l'avait jetée bas. Les bonnes fondent sur moi, je leur échappe, je cours me barricader dans la cave de la maison, l'armée femelle me pourchasse. Ma mère et mon père étaient heureusement sortis. La Villeneuve défend vaillamment la porte et soufflette l'avant-garde ennemie. Le véritable auteur du mal, Géril, me prête secours. Il monte chez lui et, avec ses deux sœurs, jette par les fenêtres des potées d'eau et des pommes cuites aux assaillantes. Elles levèrent le siège à l'entrée de la nuit, mais cette nouvelle se répandit dans la ville, et le chevalier de Chateaubriand, âgé de 9 ans, passa pour un homme atroce, un reste de ces pirates dont saint Aaron avait purgé son rocher. Voici l'autre aventure. J'allais avec Géril à Saint-Servant, faubourg séparé de Saint-Malo par le port marchand. Pour y arriver à basse-mer, on franchit des courants d'eau sur des ponts étroits de pierre plate que recouvre la marée montante. Les domestiques qui nous accompagnaient étaient restés assez loin derrière nous. Nous apercevons à l'extrémité d'un de ces ponts deux mousses qui venaient à notre rencontre. Géril me dit « Laisserons-nous passer ces gueux-là » et aussitôt il leur crie « Allô, canard !» Ceux-ci, en qualité de mousse, n'entendant pas raillerie, avancent. Géril recule. Nous nous plaçons au bout du pont et, saisissant des galets, nous les jetons à la tête des mousses. Ils fondent sur nous, nous obligent à lâcher pied, s'arment eux-mêmes de cailloux et nous mènent battant jusqu'à notre corps de réserve, c'est-à-dire jusqu'à nos domestiques. Je ne fus pas, comme Horatius, frappé à l'œil. Une pierre m'atteignit si rudement que mon oreille gauche, à moitié détachée, tombait sur mon épaule. Je ne pensais point à mon mal, mais à mon retour. Quand mon ami rapportait de ses courses un œil poché, un habit déchiré, il était plein, caressé, choyé, rhabillé. En pareil cas, j'étais mis en pénitence. Le coup que j'avais reçu était dangereux, mais jamais la France ne me put persuader de rentrer, tant j'étais effrayé. Je m'allais cacher au second étage de la maison chez Géril, qui m'entortilla la tête d'une serviette. Cette serviette le mit en train. Elle lui représenta une mitre. Il me transforma en évêque et me fit chanter la grand-messe avec lui et ses sœurs jusqu'à l'heure du souper. Le pontife fut alors obligé de descendre. Le cœur me battait. Surpris de ma figure débiffée et barbouillée de sang, mon père ne dit pas un mot. Ma mère poussa un cri. La France compta mon capiteux en m'excusant. Je n'en fus pas moins rabroué. On pansa mon oreille et monsieur et madame de Chateaubriand résolurent de me séparer de Géril le plus tôt possible. Je ne sais si ce ne fut point cette année que le comte d'Artois vint à Saint-Malo. On lui donna le spectacle d'un combat naval. Du haut du bastion de la Poudrière, je vis le jeune prince dans la foule au bord de la mer, dans son éclat et dans mon obscurité que de destinées inconnues. Ainsi, sauf erreur de mémoire, Saint-Malo n'aurait vu que deux rois de France, Charles IX et Charles X. Voilà le tableau de ma première enfance. J'ignore si la dure éducation que je reçus est bonne en principe, mais elle fut adoptée de mes proches, sans dessein, et par une suite naturelle de leur humeur. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a rendu mes idées moins semblables à celles des autres hommes. Ce qu'il y a de plus sûr encore, c'est qu'elle a imprimé à mes sentiments un caractère de mélancolie, né chez moi de l'habitude de souffrir, à l'âge de la faiblesse, de l'imprévoyance et de la joie. Dira-t-on que cette manière de m'élever m'aurait pu conduire à détester les auteurs de mes jours? Nullement. Le souvenir de leur rigueur m'est presque agréable. J'estime et honore leurs grandes qualités. Quand mon père mourut, mes camarades au régiment de Navarre furent témoins de mes regrets. C'est de ma mère que je tiens la consolation de ma vie, puisque c'est d'elle que je tiens ma religion. Je recueillais les vérités chrétiennes qui sortaient de sa bouche, comme Pierre de Langres étudiait la nuit dans une église à la lueur de la lampe qui brûlait devant le Saint-Sacrement. Aurait-on mieux développé mon intelligence en me jetant plus tôt dans l'étude? J'en doute. Ces flots, ces vents, cette solitude qui furent mes premiers maîtres convenaient peut-être mieux à mes dispositions natives. Peut-être dois-je à ces instituteurs sauvages quelques vertus que j'aurais ignorées. La vérité est qu'aucun système d'éducation n'est en soi préférable à un autre système. Les enfants aiment-ils mieux leurs parents aujourd'hui qu'ils les tutoient et ne les craignent plus? Géril était gâté dans la maison où j'étais gourmandée. Nous avons été tous deux d'honnêtes gens et des fils tendres et respectueux. Telle chose que vous croyez mauvaise met en valeur les talents de votre enfant. Telle chose qui vous semble bonne étoufferait ces mêmes talents. Dieu fait bien ce qu'il fait. C'est la Providence qui nous dirige lorsqu'elle nous destine à jouer un rôle sur la scène du monde. Fin de la section 5.